Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Bonjour Prudence. Bonjour Lucille. Alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? On va parler d'un sujet qui concerne hélas pas mal de gens, les violences qui s'exercent au travail. On passe tous et toutes beaucoup de temps au travail et c'est un lieu privilégié pour les rencontres amoureuses certes, mais aussi pour l'exercice des violences et là c'est nettement moins sympa. Alors ces violences, elles peuvent être diverses. Ce que je vous propose, c'est de découper cette thématique en 3 épisodes. Donc aujourd'hui, on va parler des effets des violences sur la santé et on parlera d'un type d'infraction en particulier qui est le harcèlement moral. Et puis, on parlera une prochaine fois des violences sexistes et sexuelles au travail pour aborder dans un dernier épisode la manière dont les victimes et les témoins de ces violences peuvent agir. Super, tu parlais des conséquences sur la santé. Ça paraît évident, mais concrètement, ça se manifeste comment ? Alors, on peut faire des catégories de conséquences pour se rendre compte de l'étendue des effets néfastes de ces comportements violents au travail. D'abord, des conséquences sur la santé, tu le disais, en particulier psychique des victimes. De l'anxiété, de la dépression, des insomnies, des migraines, des addictions, etc. Il y a des conséquences aussi sur le travail, avec une perte de confiance dans leurs compétences, un isolement, de l'absentéisme, des retards, de la déconcentration, allant parfois jusqu'à une désinsertion professionnelle. Et puis, sur le collectif de travail, avec un malaise des témoins, une ambiance de travail dégradée, des tensions et clivages entre salariés. Enfin, et la liste n'est bien sûr pas exhaustive, des conséquences sur la vie personnelle avec une précarisation en cas de perte financière liée à un arrêt maladie par exemple, des difficultés avec l'entourage, dans le couple et parfois une rupture de vie sociale. De façon significative, l'enquête Virage réalisée en 2015 par l'INED, donc c'est l'Institut National d'Études Démographiques, montre que les victimes de violences au travail présentent plus de maladies ou problèmes de santé chroniques. 42,5% d'entre elles ont eu un arrêt maladie au cours des 12 derniers mois, contre 22% pour les non-victimes. En effet, pour éviter ces effets, c'est important de savoir détecter les comportements violents. Oui, complètement. On peut s'arrêter déjà sur le harcèlement moral, qui diffère d'un simple conflit interne. Il se caractérise par la répétition d'agissements hostiles qui ont pour but ou pour conséquence une dégradation des conditions de travail susceptibles d'affecter la dignité, la santé et le devenir professionnel de la personne. Ça peut être une pratique individuelle ou bien une pratique plus organisée, qui s'inscrit dans une politique de gestion de l'entreprise. La Cour de cassation parle de harcèlement moral institutionnel, notamment dans l'affaire France Télécom. Pris isolément, certains de ces agissements semblent parfois sans conséquence. Mais c'est la répétition, au quotidien, qui peut affecter gravement les salariés. Le harcèlement moral est interdit et réprimé par le Code du travail et le Code pénal. On verra un peu plus tard les procédures à envisager pour sanctionner ces comportements. Quand on pense au harcèlement moral, on pense à des insultes, des critiques, des relations qui se détériorent. Mais est-ce qu'il y a d'autres agissements qui sont moins connus ? Oui, ce que tu décris, c'est la forme la plus classique. Par exemple, le harcèlement moral a été retenu par la jurisprudence dans le cas du comportement autoritaire d'un supérieur hiérarchique dans le milieu de la cuisine qui claquait des doigts et criait « Franchement, comment on peut engager des bons à rien comme ça ?» Mais il y a des formes plus méconnues, comme le fait de confier aux salariés de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités. En l'espèce, c'était le port de charges lourdes de plus de 17 kg mettant en jeu sa santé. Il y a aussi ce qu'on appelle communément une mise au placard. En l'espèce, la salariée avait été installée dans un local exigu, dépourvu de chauffage décent et d'outils de travail, et ses collègues avaient reçu l'ordre de ne plus lui parler. Son employeur avait par ailleurs mis en doute son équilibre psychologique et avait eu un comportement excessivement autoritaire à son égard. Je crois que tu as un dernier exemple encore plus étonnant, mais qui a été reconnu comme constitutif de harcèlement moral dans la jurisprudence. Oui, c'est le burn-out qui a été reconnu, l'ennui au travail en français. En l'espèce, le salarié avait été mis à l'écart sans se voir confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles. Il avait été affecté à des travaux subalternes, relevant de fonctions d'homme à tout faire ou de concierge privé au service des dirigeants de l'entreprise. La Cour a donc jugé que le manque d'activité et l'ennui du salarié avaient entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son avenir professionnel et de sa santé. En effet, ça fait pas mal d'exemples assez différents. Je sais qu'on parlera de la responsabilité de l'employeur dans le dernier épisode, mais est-ce que tu peux nous dire en un mot sur son rôle dans la prévention de ses agissements ? Oui, c'est vrai, l'employeur, il est responsable de la santé physique et mentale de ses salariés au travail. Il a pour obligation d'évaluer les risques, parmi lesquels ceux de harcèlement moral ou de violence interne, et de les prévenir le plus en amont possible. La démarche de prévention est identique à celle décrite pour l'ensemble des risques psychosociaux. Pour des situations urgentes, des réponses rapides sont à mettre en place. L'employeur prendra ainsi en compte le plus tôt possible les plaintes avérées afin de mettre un terme aux agissements hostiles et d'apporter un soutien aux salariés affectés. Mais ça, on en parlera plus en détail dans l'épisode 3. D'ici là, on vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour l'épisode 2. Au revoir. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.